Au début de juillet, je reçus de Duncan une carte postale griffonnée qu'il avait mise sous enveloppe. « My dear old fellow, venez donc me rejoindre dans ce village alpestre où l'hôtel est très confortable. Vous me ferez plaisir. Je vous attends. Venez tout de suite et amenez votre fils. » Ce dernier mot était souligné. Je regardais au recto de la carte l'image d'un village enfermé entre de hautes montagnes, Balavaux, sur Saint-Pierre-de-Clay, Valais. Ma décision fut immédiate. Je partirai le soir même, seulement je n'emmènerai pas Philippe, qui achevait sa dernière semaine d'école. Vers 10 heures le matin suivant, je descendais à Saint-Pierre-de-Clay, une petite localité de la vallée du Rhône. Lorsque je demandais la station du funiculaire, on me rit au nez. Il n'y avait pas même de route carrossable pour monter à Balavaux. Je dus me contenter d'un mulet et je m'enfonçai dans une étroite vallée qui déroulait interminablement ses parois à pic où des groupes de sapins s'accrochaient comme des rescapés. Après 3 heures de rude montée, on voyait la vallée s'élargir, s'arrondir au pied d'un cirque de rochers qui portait très haut dans l'azur une rangée de tours formidables, dont les crénelures s'inscrivaient durement sur le ciel diminué. Le versant que nous suivions et qui aboutissait à cet amphithéâtre n'était guère moins sinistre. Une longue suite de sommets arides, des pentes de terre nue, où l'on voyait alterner des couches de poudingues et de marnes de gris différents, des escarpements, des éboulis sans fin, et plus bas, des prairies resserrées entre des coulées de pierrailles coupées de forêts pauvres et s'arrêtant net au bord d'un précipice. « Balavaux, » dit le muletier. Sa main levée indiquait le village qui venait de surgir dans un repli des prés. Les chalets s'assemblaient avec une stricte discipline autour du clocher blanc et semblaient un îlot sombre sur l'étendue d'un vert acide. Pourquoi Duncan est-il venu ici? À mi-hauteur de l'autre versant, moins roide, plus favorisé du soleil, plus enveloppé de forêts, un village lointain, le Rosay, orienté du côté de la plaine, m'aurait séduit bien davantage. L'hôtel de Balavaux, à l'entrée du village, aligne sa façade tellement près du précipice qu'on le dirait sur le point de dégringoler, si ce n'était cette terrasse étroite qui ne suffit pas à conjurer la sensation de vertige. « Lord Clarence est dans sa chambre, » dit le portier. Duncan se leva de sa chaise longue et vint à ma rencontre. Le souffle de la montagne l'avait déjà bronzé. Était-ce aussi le voisinage des sommets et des neiges qui communiquait à sa figure cette sérénité lumineuse? Je le regardais et ne le retrouvais plus. Cependant, il cessa de sourire tandis que je serrais ses mains. « Votre fils, à Paris, à l'école. Les vacances ne sont pas commencées. Ah, mon cher ami, que je suis heureux de vous revoir si bien portant. Je vous avais prié d'amener votre fils. C'est vrai, mais il prépare ses examens, et j'ai trouvé plus raisonnable. » Duncan eut un rire qui m'arrêta net, et je fus stupéfait du changement de son visage. « Raisonnable, en vérité, plus raisonnable ? Duncan, que voulez-vous dire ? Rien, rien du tout, old fellow. Seulement, vous feriez mieux de repartir par le premier train, et de ne pas quitter Philippe, pas même le laisser aller seul à l'école. Ne pas le quitter une heure, je vous dis, s'il en est encore temps. » Se moquait-il? Mais non, il était là, très grave. Ses yeux, qui me semblaient plus grands, plongeaient dans les miens, et j'éprouvais la sensation physique de ce regard, qui descendait en moi jusqu'aux racines de l'être. « Vous vous trompez, old fellow, je ne plaisante pas. » Subitement, je me sentis bouleversé. « Duncan, est-ce qu'un danger le menace? Est-ce que vous sauriez quelque chose ?»« Savoir, au sens où vous l'entendez, non, je ne sais rien. » « Seulement, rappelez-vous, j'ai parfois des pressentiments. Ils ne servent à rien, d'ailleurs. Personne ne consent à m'écouter, pas même vous, vous !» Il me regardait. Alors, avançant un fauteuil près de la fenêtre ouverte, il reprit plus doucement. « Ne vous troublez pas ainsi. Je ne vous ai point parlé de danger. Aucun danger. Clarence, dites-moi votre pressentiment. » Il eut un geste qui sembla refermer une porte entr'ouverte. « Mon cher ami, je vous ai attendu pour le lunch. Vous devez mourir de faim. » Nous étions seuls dans la petite salle à manger qui ouvrait 3 fenêtres voilées de mousseline sur cet étrange paysage plongeant auquel je ne m'accoutumais pas. Une femme de chambre nous servait avec un zèle attentif. Duncan poursuivit la conversation en anglais. Pour la première fois, il parlait de son séjour à Londres, l'hiver dernier, de son travail auprès du ministre. J'écoutais mal, troublé par une appréhension obscure. « Voyez-vous, old fellow, je m'étais imaginé que je pourrais rendre quelque service à mon pays et, comme je connais bien l'Orient, lui éviter certaines mésaventures. Illusion. Si tout de même je repartais ce soir, je pourrais prendre l'express demain matin. Les politiciens sont encore plus aveugles que les autres hommes, old fellow. Supposez un ministre qui saurait lire dans l'avenir. Eh bien, cet homme-là lui-même ne saurait éviter les guerres tant que les politiciens seront là, avec leurs petites idées, leurs petits intérêts, leurs petites intrigues, leurs petits moyens, et la foule innombrable de leurs désirs. Écoutez, Duncan, j'ai envie tout de même de m'informer si je puis avoir un mulet pour descendre. Non, vous ne partirez pas, c'est inutile, dit Duncan après un silence. Nous descendrons ensemble demain. Venez prendre le café dans ma chambre. Lorsqu'il fut allongé sur sa galerie, la tête tournée vers la bande de ciel inscrite entre les rochers terribles, il me dit, quand on demeure ainsi solitaire dans la haute montagne, immobile, avec les seuls changements du ciel marquant les heures, le ciel où nos yeux retournent continuellement se perdre, on a le loisir de penser aux choses invisibles. Il avait un ton d'abandon qui ne lui était point habituel. Je me rapprochai de lui. « Notre horizon est si limité, » murmura-t-il, « et ce qui nous limite le plus, c'est nous-mêmes. Notre courte sagesse nous empêche d'entrevoir la sagesse. Notre étroite raison nous rend aveugles à la raison. C'est pourquoi il est dit « Heureux les simples en esprit. » Après un silence, il continua « Un homme qui serait averti que ce village est menacé, que cette montagne, qui paraît immuable, s'écroulera sur ses bases et l'ensevelira dans la boue. Cet homme, s'il cherchait à donner l'alarme et à sauver les habitants, personne, au nom du bon sens, ne voudrait le croire. Au nom du bon sens, entendez-vous, old fellow, méfiez-vous de votre bon sens. » Cette recommandation prémonitoire, à quel événement essayait-il de me préparer? Je subissais son étrange ascendant. Nos rôles étaient renversés désormais. C'était lui le conseiller, le guide sage, qui cherchait à garantir, à guérir peut-être. À cet instant, le portier entra dans la chambre. Il vint jusqu'au balcon et s'inclina de mon côté. « Monsieur, c'est une dépêche qui est arrivée pour vous à Saint-Pierre-de-Claye et qu'on va vous téléphoner de la vallée. » « Déjà, » fit Duncan à voix basse. Je m'étais levé, mordu au cœur par une inquiétude plus précise. Ma mère seule connaît mon adresse. Alors, et j'ai suivi le portier jusqu'au téléphone, dans le vestibule. Une voix pâle me fixe à l'appareil. « Monsieur le docteur Pierre Savigné, c'est vous ? Bien, monsieur, je vais vous téléphoner un télégramme consigné à Paris. Vous êtes là ? Voici. « Monsieur le docteur Pierre Savigné. » À Balavaux, par Saint-Pierre-de-Claye, Valais. La voix lointaine martèle chaque syllabe, comme si elle plaît. Philippe, disparu, ce matin. Stop. N'est pas rentré à l'école. Aucun indice. Stop. Folle d'inquiétude. Stop. Reviens. Ta mère. La voix flotte au milieu d'un bourdonnement. Se perd. J'éprouve la sensation de la chercher à tâtons. Je ne comprends pas. Répétez. Et le martèlement des mots terribles recommence. Philippe, disparu, folle d'inquiétude, ta mère. Je laisse aller le récepteur. Il fait nuit autour de moi. Puis une idée jaillit en zigzag comme un éclair dans cette obscurité. Duncan, Duncan sait. Il a dit, ne le quittez pas une heure. Il sait ce qui est arrivé à Philippe. J'ai bondi dans la chambre. Il est debout. Je rencontre son regard lucide. Qui n'interroge pas, qui constate, Philippe, disparu, les recherches, la police, la morgue, un petit corps écrasé, méconnaissable, qu'il faut identifier, ses vêtements, quels vêtements, son sac d'école, son écriture, la succession de choses abominables. J'entends ma propre voix jetée par saccades, ces images à la face impassible de mon ami. Il a posé ses deux mains sur mes épaules. Il a dit avec autorité « Non, vous vous trompez, calmez-vous. Philippe ne court aucun danger. Je sais où il est. » « Vous savez ?» Je le regarde sans parole, j'attends. Il demande doucement « Ignorez-vous ce que sa mère est devenue ?» Je rétorque, stupéfait, de retour à Paris. « Mais quel rapport ?» Il reprend du même accent de pitié. « Malheureuse, abandonnée, trahie, sans ressources. Ne vous a-t-elle pas écrit ?» Je n'ai pas répondu. « Mais Philippe, ne vous a-t-elle pas écrit de nouveau, vous suppliant de lui laisser voir son enfant ?»« Oui, je n'ai pas répondu. » Alors, m'arrachant à la suggestion de son regard, j'ai saisi Duncan par le bras en criant « Je veux savoir où est Philippe. » Est-ce donc si difficile de le savoir ? Une auto qui attend à la sortie de l'école, la portière s'entr'ouvre, une femme souriante et tendre se penche. « Monte vite, mon petit, je suis ta maman, nous allons faire une belle promenade. » Et des bras qui l'enlacent, des baisers, des mots caressants qui l'empêchent de trouver longue la promenade. Très longue, en effet. L'auto file vers une frontière. D'elle peut-être, oui, la Suisse, d'où l'on pourra négocier un accord qui permettra à cette mère de voir son enfant. Ainsi c'est celle qui a enlevé Philippe. Je ne cherche pas encore à comprendre. Docile à la voix de Duncan, je me laisse délivrer de l'insupportable angoisse, et brusquement je cède à la colère. Cette audacieuse, cette impulsive, je connais bien là ses procédés. Elle sait qu'elle pourra tout obtenir à présent qu'elle détient l'enfant. Mais je me défendrai, je lutterai, je... Ai-je parlé tout haut ? Duncan répond avec douceur, il vaudrait mieux lui pardonner. J'ai répliqué sourdement, jamais, jamais je ne pardonnerai. Je n'ai plus pour elle qu'indifférence et mépris. « Vous le croyez ? » murmura-t-il avec son singulier sourire. « Mais votre accent n'est pas celui de l'indifférence. Vous le savez bien. La haine n'est que de l'amour retourné. » Il fit peser sur moi ce regard que l'on sent pénétrer jusqu'en des profondeurs inconnues de soi-même. Et sous ce regard, ce fut comme si une porte de pitié s'éveillait, tressaillait. Dans le secret de mon être. Vous pourriez l'aimer encore, Pierre, et vous avez entre vous deux ce bien suprême, l'enfant. Ce regard de Duncan, j'essayais de l'écarter du geste. Il promenait une clarté sur un coin obscur de ma conscience que j'avais fermé à double tour, condamné définitivement. Alors je me révoltais de nouveau. Je vais déposer une plainte, signaler à la police au rapt, faire poursuivre cette femme. « Lui reprendre, mon fils. » Avec une autorité triste, Duncan laissa tomber ces paroles que je ne devais plus oublier. « Gardez-vous-en bien. Gardez-vous des procédés de violence. Vous risqueriez de causer la perte de ce qui vous est le plus cher. » Son accent me cloua sur place. Je le considérais en silence. « Mon cher ami, il vous faut attendre ici la pauvre lettre humiliée qui est déjà en route. » Que votre concierge vous réexpédiera ce soir. Le plus pressé, continua-t-il sans s'arrêter à mon exclamation, c'est de téléphoner à Saint-Pierre-de-Claye une dépêche rassurante pour votre mère. Philippe vous sera rendu, n'ayez aucune inquiétude. Quelque chose comme cela. Je reprenais mon sang-froid. Mais enfin, Duncan, ma femme vous a donc écrit ? Elle vous a prévenu de ses projets ? Vous saviez qu'elle guettait Philippe ? Qu'elle l'enlèverait ? Elle a cru faire de vous son complice ? Il secouait lentement la tête. Elle ignore mon existence. Alors, tout ce que vous me dites là, vous l'imaginez ? Vous le supposez pour me rassurer ? Je le sais. Duncan ! Et l'accent de ma voix nous fit tressaillir tous les deux. Duncan, au nom de notre vieille affection, ne vous jouez pas de moi. Dites-moi la vérité, je veux la vérité, la vérité ! Je vous l'ai dite, Philippe est auprès de sa mère. Mais enfin, comment pouvez-vous, comment osez-vous m'affirmer cette chose que vous n'avez pas vue ? Je l'ai vue. Stupide, je le regardais, autour de ce visage si calme, tout éclairé de bonne foi. Des images tourbillonnèrent, le sanctuaire du Turkestan, les parchemins, son expression de triomphe la nuit où il apparut sous ma tente comme pris d'une folie soudaine, et puis la figure de Vladimir, hésitant devant l'avion trépidant, et la face bouleversée de ma vieille Françoise, le cinéma en flammes, tous ces hasards qui se faisaient les serviteurs de mon ami, ses regards d'inconnu arrêtés sur lui avec une surprise émerveillée, et les yeux d'André, ses yeux grandissaient une terreur. Il y a quelque chose, je ne peux imaginer ce qu'il y a. L'hypothèse obscurément formulée dans mon subconscient et qui parfois essayait de venir à la surface et que je refoulais de toute la force de ma raison, peu à peu s'imposait, devenait une certitude. Ce fut comme si un flot de lumière irradiait, dissipant les ténèbres accumulées depuis des mois. Il n'y eut plus auprès de Duncan que l'image du grand Bouddha dont les yeux clairvoyants scrutaient l'invisible. Je murmurai « Celui qui voit. » Duncan abaissa la tête en signe d'affirmation. Et je me suis écarté de lui, saisi par une confuse épouvante. Le silence a continué. Je m'étais appuyé au mur, car la chambre tournait autour de moi. J'ai retiré mes yeux de la fenêtre. La terrasse, les chalets, le clocher dégringolaient pêle-mêle le long des prairies oscillantes. La main de Duncan sur mon front essuyait ma sueur froide. J'ai perçu son étreinte qui me forçait à me laisser choir dans le fauteuil qu'il avançait. Sa voix prononça très doucement « Mon ami, n'ayez pas peur, mon ami. » Il s'assit à mes côtés. Il me tenait le poignet comme à un convalescent. « Pierre, là-bas, au Turkestan chinois, lorsqu'une nuit, j'ai su que l'avenir et le passé me seraient ouverts, je n'ai pas eu peur. Je n'ai senti qu'une immense allégresse. Il me semblait pouvoir tenir tête au destin, devenir une sorte de bienfaiteur, évitant aux hommes le mal, les traîtrises du hasard, l'accident, créer du bonheur. Oui, j'ai cru cela. Quel jour de joie inouïe ! Cette joie s'associe dans mon souvenir à ce paysage des sables qui se dorait au soleil levant. Elle est si mêlée à l'image des collines lumineuses que je ne puis les évoquer sans ressentir une commotion de joie. Et pourtant, aujourd'hui, je sais. Mes yeux l'interrogeaient avidement. Je sais qu'on ne peut pas arrêter le destin. L'événement qui nous paraît spontané se prépare longuement dans l'invisible. De même qu'une pierre jetée dans l'eau émeut le lac entier, les forces en mouvement agissent et se propagent à notre insu. Comment voulez-vous lutter contre elles ? Oui, d'abord celui qui apprend à voir et qui n'est qu'un pauvre homme borné essaie de se révolter, de les contrecarrer. Il ne fait qu'attirer des malheurs plus terribles. Son regard, la douleur de son accent, j'ai pensé, André. D'ailleurs, nos yeux humains savent-ils seulement discerner le bien du mal ? Ce qui nous paraît un désastre est peut-être le bien suprême auquel une âme est conviée. Le Christ, au jardin des Oliviers, le Christ qui savait, s'il eût permis à Pierre de dégainer son épée et à ses disciples de repousser les soldats, que serait-il arrivé ? Une bagarre sans gloire, une crucifixion dont le sens eût été détourné. La victime sans tâche devenait un coupable vulgaire qui avait causé la mort de soldats fidèles à leurs consignes, rien de plus. Tandis qu'il parlait, et tout en retenant chacune de ses paroles, je sentais que, degré par degré, je m'éloignais de tout ce que j'avais tenu jusqu'à ce jour pour la vérité. Degré par degré, je le suivais. Il me conduisait à une vérité d'un autre ordre qui, naguère, m'aurait paru la suprême folie. Il abaissa sur moi son regard et murmura « Je ne savais pas encore que seuls des êtres exceptionnels, des Christs, des Bouddhas, des saints préparés par toute une existence de dépouillement, ont pu supporter sans faiblir ce fardeau terrible de la clairvoyance. C'est pourquoi leur sagesse l'a tenue cachée. Et je vous assure, mon ami, qu'il était bien caché le manuscrit où un disciple clairvoyant du Bouddha, l'auteur de la fresque peut-être, a noté des moyens plus rapides et moins durs que la stricte discipline ascétique, de faire éclore en nous cette double personnalité sensible aux choses invisibles. Comment en est-il arrivé à commettre cette infraction à l'inflexible règle du silence ? Probablement Avait-il subi des influences chrétiennes? Peut-être était-il imbu de la notion évangélique du témoignage. Il avait dû partager naguère cette conception du royaume promis à tous les hommes. D'ailleurs, il semble se démentir lui-même. Il a ajouté quelques lignes épouvantées. Il a enfoui son témoignage, de façon à ce que les non-initiés ne puissent le découvrir. J'ai murmuré le mystère qui entourait la chambre sacrée. Les ouvriers frappaient les uns après les autres. Les paroles du cordonnier chinois, qui a dû savoir après coup qu'il avait violé un sanctuaire. Mais vous, Duncan, vous, comment avez-vous réussi ? Des phrases énigmatiques, déchiffrées sur certains parchemins, avaient stimulé mon attention. Celui qui voit, qui doit être seul à voir. Le jour où nous avons découvert la fresque, tout s'est éclairé. Plus tard, j'ai mis la main sur les parchemins secrets, roulés dans une cavité dissimulée à la droite du Bouddha. Il fallait, pour que je l'aperçusse, que la fresque fût ôtée. J'ai dit, comme malgré moi, « Le Bouddha que vous avez jeté vous-même au fond du précipice, c'était donc à cause de cela, Duncan ?» Il ne se défendit point. Il dit, avec une grande douceur, « Pierre, pendant ce voyage de retour, j'étudiais les manuscrits, et je commençais de comprendre. Oui, j'ai compris que cette figure, trop explicitement clairvoyante, ne devait pas être livrée aux yeux profanes, et vous vouliez l'exposer dans un musée. » Il avait passé la main sur son visage, et je l'entendis murmurer, « À tout prix, évitez aux hommes la tentation de voir. » La tentation de voir ? Non, je ne rêve pas. Je ne rêvais pas tout à l'heure, et je ne cherche pas non plus à discuter. J'ai passé, sans m'en apercevoir, de la méthode scientifique qui examine et interroge et réclame des preuves à la mentalité d'un néophyte sous le coup de la révélation. D'ailleurs, la preuve matérielle est là, là, cette dépêche froissée entre mes mains. Je suis en présence d'un fait, d'une expérience qui sera reprise indéfiniment sous mes yeux. » Après un long silence, Duncan émergea de sa rêverie, s'avignait. « Il faut que je vous dise encore ceci. Le disciple trop zélé qui préparait un évangile de la clairvoyance à l'usage des saints, connut qu'un impie audacieux viendrait un jour, 14 siècles plus tard, le dérober. Il a laissé un message à mon adresse. « Qu'a-t-il dit ? » demandai-je, presque sans souffle. D'une voix blanche, Clarence récita lentement. « Ô toi, mon frère insensé, qui t'es emparé par la violence de ce qui ne t'est point destiné, alors que tu n'as pas la force de soutenir la vérité, alors que la sagesse ne t'illumine pas encore, hâte-toi de revenir en arrière, de restituer ces manuscrits à l'ombre sacrée, et fuis. S'il est trop tard pour reprendre le même chemin, anéantis-les sans perdre une heure, car la main de Dieu serait sur toi comme un charbon ardent. » La terrible menace tomba dans le silence. Duncan acheva en détournant la tête. Je ne prêtais aucun sens à ces lignes. D'ailleurs, je me croyais tout près d'être illuminé par la sagesse. Insensé qui ne savait encore qu'il faut pour obtenir un de ces reflets, des existences entières tendues vers elle. Je l'écoutais, béant. Toute ma science glissait de moi comme un vêtement inutile, et j'éprouvais la sensation de ma nudité. Des images incohérentes dansaient devant mes yeux. Les neurones en folie, les bocaux de mon laboratoire, les fiches où j'inscrivais de laborieux diagnostics. Dans un éclair, je songeais à ces somnambules, à ces soi-disant voyants qui m'avaient arraché des éclats de rire. Je revis les yeux du fou que des infirmiers emmenaient. Il me sembla que de hautes vagues de mystère s'abattaient sur moi. Je proférais, comme on appelle au secours, « Duncan, l'homme que nous avons rencontré dans une auberge, cet homme lui aussi ?» Il me regarda avec un tranquille sourire et répondit à ma pensée, « Votre science le nie. Comment pourrait-elle accepter que des ignorances et des femmes aient raison contre elle ? Oui, certains êtres sont admis à discerner quelques lueurs, mais ils ne savent pas coordonner ces images confuses ni les interpréter. Ils se trompent. Ils vont à l'aventure, et ceux d'entre eux qui sont des professionnels complètent par le jeu de l'imagination, et souvent à leur insu, leur vision indécise et fragmentaire. Celui dont vous parlez est honnête. La solitude et le recueillement de son âme simple l'ont préparé. Il erre à tâtons sur les routes. Moi aussi, au début, j'ai erré. Les images apparaissaient sans cohésion. Je ne savais ni les situer dans le temps, ni les comprendre. Et pourtant, j'avais entre les mains non seulement la révélation, mais encore toute la glose du disciple et son expérience notée jour après jour. Et ensuite, Duncan, les images, elles sont devenues d'une précision inexorable. Mais comment expliquer ? Il tourna vers moi son visage qui faisait songer à un battant de porte prudemment entrebâillé. « Expliquer, fit-il, explique-t-on le génie ? Il suffit de constater. Représentez-vous un aveugle né qui guérit tout à coup. La lumière l'affole. Il doit s'habituer aux rapports, aux distances, aux reliefs, aux perspectives. Il voit la masse des objets sur le même plan, comme les tout-petits qui tendent les bras pour saisir la lune. » Il se tait et je me tais aussi. Il me semble que je roule à travers le vide. Il n'y a plus que du vide dans mon cerveau, du vide partout, du vide incommensurable. Et la pensée humaine s'effare au milieu de ce vide, s'efforce de le peser, de l'analyser, s'épuise en efforts inutiles. Une aveugle errant dans sa nuit. J'éprouve un besoin aigu des brèves paroles de Duncan, et j'entends ma voix qui interroge « Clarence, ce qui se passera demain, vous le savez ?»« Oui. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans ?»« Peut-être. » »« Vous voyez les guerres, les convulsions sociales, les invasions, et aussi le progrès de la science ?»« Oui. » »« Et vous pouvez aussi voir le passé ?»« Aussi. Dites-moi ce que vous voyez. » »« Non. » Ce mot tomba comme une pierre au fond du silence. Un mur se dressait entre nous. Alors Duncan dit à voix basse, « Savigné, je cédais à votre angoisse, cette angoisse que j'avais voulu vous éviter. Une fois de plus, j'ai essayé de m'opposer au destin, parce que je suis encore faible et flottant, et si loin de la sagesse. En vous appelant ici, je pensais retarder l'événement, et vous faire lire en vous-même, vous déterminer au geste de pardon. Vous êtes là, et maintenant, vous savez. Vous allez assister à mes efforts pour sauver les hommes de ce village. » Je me remémorai ces paroles de tout à l'heure, l'avalanche debout. J'ai murmuré « Bientôt ?» Il répondit « Demain. » Il continua sans prendre garde à mon effarement. « Ensuite, promettez-moi d'oublier, de ne jamais parler de ceci à personne, ni à moi-même. Oui, d'essayer d'admettre que vous avez fait un rêve étrange, et de l'oublier. Clarence, vous reprendrez votre mentalité habituelle, vos disciplines scientifiques nécessaires. Vous continuerez de me traiter en maniaque qu'il s'agit de guérir. Il le faut. » Je le regardais avec une stupeur nouvelle. Oublier ? Un homme qui fait une découverte merveilleuse, jamais pressentie, peut-il essayer de l'oublier ? Vous comprendrez un jour, vous aussi, murmura-t-il. Il s'abîma dans sa songerie. Il parut ne pas entendre mes protestations. Soudain, je retombai dans la minute présente. Je me souvins du télégramme que je tenais encore. La réalité concrète ondoyait autour de moi. Elle se juxtaposait bizarrement à cette réalité d'un autre ordre que Duncan m'avait révélée. Ma mère, le téléphone, celui qui voit. En titubant, je descendis l'escalier. Sur la terrasse où j'attendais la communication avec la plaine, l'air vif acheva de me réveiller. Je libellai le télégramme, n'ai aucune inquiétude. Philippe. Alors, tandis que je me représentais l'angoisse de ma pauvre vieille maman devant le petit lit vide, une brusque colère me tira de cette stupéfaction émerveillée où je vivais depuis 1 heure. Attendre ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas user de l'avertissement qui me donnait 24 heures d'avance ? Lutter, me défendre, poursuivre cette femme qui osait enlever mon fils. Je pouvais rendre Philippe à sa grand-mère immédiatement, et pendant les négociations, l'enfant, l'enjeu, ne serait plus au pouvoir de l'adversaire. C'était l'évidence même. En agissant tout de suite, je conjurais l'événement. Et sitôt que j'eus téléphoné ma dépêche, j'expédiai une série de télégrammes au bureau de la Sûreté à Paris, à Troyes, à Chaumont, à Belfort, à Delle, avec le signalement de mon fils et de cette femme dont je revoyais le visage trop aimé. Ce soir même, elle peut être rejointe et arrêtée, et Philippe, dès demain, sera ramené à la maison. Je me suis retrouvé sur la route de Balavo, marchant à grands pas. J'avais besoin de sentir sous mes pieds les dalles solides et autour de moi le cirque de rochers immuables. Par moments, je tâtais mes bras, mes épaules, je touchais mon visage, mes pensées tourbillonnaient, je n'arrivais pas à les maîtriser. J'assistais à l'écroulement de tout ce qui avait été ma vie, de mes travaux, de mes convictions, de tout le milieu scientifique auquel j'appartenais. Mes certitudes tombaient de moi comme des feuilles mortes. Un monde nouveau se découvrait, plein de richesses illimitées, que j'inventorierais plus tard, quand cette stupeur qui paralysait mon cerveau serait dissipée. Je contemplais l'âpre barrière des montagnes, et je pensais puérilement, les yeux de Duncan percent ces épaisseurs de matière. Pour lui, l'espace et le temps n'existent plus. Je considérais les rangs de chalets prosternés autour de l'église blanche. Ils ne savent pas, mais moi je sais qu'ils seront détruits demain. Je devais ressembler à un homme ivre. Je sentis tout à coup sur moi les regards des paysans que je croisais. L'un d'eux m'interpella. Il dut répéter à plusieurs reprises sa question que je n'entendais point. « C'est vous qui êtes avec le géologue ?»« Le géologue ?»« Le grand anglais qui court les montagnes. » Il prétend qu'il est géologue, qu'il sait bien que des glissements de terrain vont se produire et que le village est en danger. Oui, oui, des histoires. Il n'a pas raison d'effrayer ainsi le monde, fit la voix mécontente. Et j'aperçus enfin la figure dressée à ma rencontre, un vieux montagnard osseux qui haussait les épaules et, de l'index, se touchait le front. Votre ami, est-ce qu'il n'est pas un peu... Il s'interrompit avec un air de prudence et montrant du geste la suite des crêtes aux creuses qui dominaient les prairies. « Elles m'ont l'air encore solides, les montagnes » conclut-il avec une sourde raillerie. Il s'éloignait. Alors, brusquement, je saisis l'hostilité du village que Duncan essaya en vain d'avertir. Les coups d'œil ironiques des passants, les bribes de phrases jetées à mon intention. Je compris que ces imbéciles traitaient Clarence de fou. Clarence, comme il a dû souffrir. Ma pensée, retournant en arrière, évoquait les événements de sa vie auxquels j'avais été mêlé sans les comprendre. Ils s'éclairaient maintenant d'une autre lumière qui leur restituait leur sens véritable. Les gens, le long de la route, continuaient à mes pieds. Ils s'avançaient courbés par des charges de foin qui faisaient comme un toit sur leur tête, et de dessous cet abri venaient à moi de rudes moqueries, des injures. J'ai rebroussé chemin, Duncan n'était pas à l'hôtel, le soir venait, j'attendis, puis j'expédiai machinalement un dîner solitaire sans même prendre garde à l'illumination des tours de rochers apparues dans l'encadrement de la fenêtre. Enfin je reconnus son pas et j'allai frapper à la porte de sa chambre. Il était assis sur le canapé raide. La lumière brutale de la lampe électrique faisait saillir les méplats de son visage, qui apparaissait tourmenté comme une figure de Michel-Ange. Il ne prenait point garde à ma présence. J'essayais de lui raconter les propos du village. Il eut un mouvement de la main qui signifiait « Je sais, c'est inutile ». Lorsque je lui demandais s'il ne prendrait pas quelque nourriture, il refusa d'un signe de tête. J'éprouvais en face de lui une sorte de respect, presque d'épouvante. Je n'osais pas l'interroger. Une muraille de silence s'épaississait entre nous. La fenêtre, ouverte sur le balcon, laissait entrer la douceur de la nuit. Les chalets éteignaient leur feu. Ils s'endormaient. Le ciel étoilé, pâli par les rayons de la lune invisible, versait sur leurs ardoises une palpitation de clarté. Alors, j'ai senti que ma raison se révoltait encore. Le regard que Duncan promène d'un âge à un autre âge n'a-t-il pu se perdre parmi les millénaires et confondre les temps, rapprocher un bouleversement lointain? La terre se désagrège et se nivelle, les montagnes combleront les vallées. Un jour, dans la nuit des siècles, j'ai repoussé la porte-fenêtre et je suis allé m'asseoir à côté de lui. Duncan. Ses lèvres remuaient par intervalles, il semblait rêver. Et voici que peu à peu je perçus ces paroles. La mort sous la boue est affreuse. À quoi bon fuir ? Le sol devient liquide. Les pieds se prennent dans un filet gluant. La nappe de boue monte avec une rapidité inexorable. Atteint la poitrine, les épaules. Les femmes ont beau lever leurs petits au-dessus de leur tête. Gagner une minute. Laisser à Dieu le loisir d'entendre les prières et, peut-être, d'arrêter le fléau. Et la boue colle le cri au fond de la gorge. Toutes les mains sont retombées. Et ceux-ci qui étaient près des chalets, ils ont eu le temps de courir. Ils sont rentrés. Ils ont fermé leurs fenêtres. Et déjà, les fenêtres s'obscurcissent. Cette voix morne où perce tant de douleur a raison de mon doute. Je sais d'avance que les gens qui dorment ce soir sous ces toits de schiste tiendront ponctuellement leur rôle dans ce scénario tragique. « Ils n'ont rien voulu entendre, » dit encore Duncan, « et je sais pourquoi son masque est si creusé et quelle lassitude le tient affaissé sur les coussins. Du temps passa, je me taisais à côté de lui, et le sentant si loin, je me rappelais un mot qu'un jour il avait prononcé avec une étrange douceur. « Comme avant, détrompez-vous, old fellow, je ne serai jamais plus comme avant, jamais plus. » « Comme avant, lui qui possédait le pouvoir d'avertir, de rassurer, de sauver, lui qui n'était plus enfermé dans l'étroite prison du jour présent, lui qui savait. » Et tout à coup, je ne pus maîtriser l'impulsion qui me portait à parler de Philippe. Duncan, Philippe, Philippe. Il sommeillait à demi, la tête appuyée contre le mur. Alors, penché sur lui, j'essayais de provoquer moi-même la vision comme font certains médecins auprès de leur médium. Je répétais tout près de son oreille, « Philippe, parlez-moi de Philippe !» Il tressaillit, souleva ses paupières, et dans son regard, il y avait un poignant reproche. « Qu'avez-vous fait ? Je vous avais dit d'attendre, de vous tenir tranquille, d'essayer de pardonner, et vous avez mis toute la police sur pied. Clarence, où est Philippe à cette heure ?» Il se tait, et cependant, il semble obéir à mon injonction. Ses yeux deviennent fixes et lointains, et je crois voir, sur son visage immobile, passer des ombres. Une mansuétude soudaine a détendu ses traits. Il parle enfin d'une voix pâle. « Comme on est bien, chaudement blotti, entre deux bras de femme. Les baisers qui sentent bon, les tendres mots murmurés. On a retrouvé un trésor dont on ignorait le prix, la douceur, la beauté. Maman, on ne pense pas à la route si longue encore. Oh, comme j'avais faim de toi, mon petit. Pourquoi se retourner vers la vitre du fond et la voiture toute blême qui saisit le porte-voix? Elle jette l'ordre au chauffeur. Plus vite, plus vite. 100 francs pour vous si vous les distancez. Mon petit, n'aie pas peur. Je ne veux pas être prise maintenant que je t'ai retrouvée. Ah, la police, l'enquête, chauffeur, plus vite. 200 francs si nous passons la frontière. L'enfant rit aux éclats. Les arbres volent. Maintenant, on les distingue à peine. Tout le paysage se brouille. On n'est plus qu'un moteur fou lancé sur une route qui a des tournants brusques. La femme et l'enfant sont renversés sur les coussins. Haletant, je suis cette course insensée. J'ai peur. Je voudrais les arrêter. Arrêter ces maladroits agents qui provoquent cette folie. Est-ce que cela ne va pas finir ? Ah ! Crier à ces hommes d'interrompre la poursuite. Et elle, ne comprend-elle donc pas qu'elle n'a pas le droit de risquer la vie de Philippe ? La voix sans inflexion continue de hacher des paroles qui me bouleversent. Une femme au désespoir, un enfant qui rit. Ils vont, ils accélèrent encore. Un virage mauvais, le chauffeur ne ralentit pas. Ah ! Duncan laisse sa phrase suspendue, comme il est pâle. Clarence ? Il se tait. Clarence, je veux la vérité. Un accident ? L'enfant ? Il répond enfin, j'ai vu le petit sain et sauf. Un agent le ramène à sa grand-mère. Ah ! Avec peine, je retrouve mon souffle, je reprends mon sang-froid. Sauvé, l'enfant est sauvé. Et elle, les agents l'ont arrêté ? Clarence s'est soulevée lentement. Ses pupilles dilatées paraissent aveugles. Les paupières battantes, le front moite, il promène autour de lui un regard vague qui ne me reconnaît pas. Il semble revenir de très loin. Par degrés, il s'éveille, il réintègre, avec difficulté, la minute où nous sommes. « Vous êtes là, old fellow, » murmure-t-il. Ses yeux sont profondément cernés, tout son visage exprime une fatigue immense. Il se lève, il marche dans la chambre, il s'arrête devant le fauteuil où je suis prostré. « Pierre, je vous avais prévenu pourtant, et vous avez employé la violence. » Ce regard, il plonge en moi, il m'explore, comme une lampe promenée dans un souterrain. Et voici que de nouveau s'éveille confusément et remonte jusqu'aux limites de ma conscience cette même compassion tendre qui me stupéfie. De toute ma force, j'essaie de me dérober à ce regard, j'essaie de penser « Je ne regrette rien, j'ai bien fait, puisque Philippe est sain et sauf, et va être rendu à sa grand-mère. Je suis rassurée, très tranquille, cette femme, aux mains de la police, reçoit l'humiliation qu'elle mérite. » Et brusquement, j'ai quitté Clarence. On peut donc garder en soi pendant des années une tendresse qu'on ignore, on croit détester, mépriser, oublier, et l'on se trompe de bonne foi. Toute une part de notre être nous échappe et n'est jamais connue de nous, jusqu'au jour où un regard clairvoyant l'appelle à la lumière. Penché à ma fenêtre ouverte, j'écoute le grand silence de la montagne. La basse lointaine et continue du torrent se mêle à ce silence et l'approfondit encore. Dans une sorte de tremblement intérieur, je considère la masse sombre du chalet condamné. Est-ce ce sentiment nouveau qui me rend si faible et si troublé? Est-ce la présence de la mort que je sens rôder, guettant son heure, et qui s'insinue comme une eau froide autour de ma chair terrifiée? Je pense à Philippe qui vient de lui être arraché, et des larmes montent à mes paupières. Philippe, que je vais revoir, et celle qui était avec lui. Les gens de ces chalets se sont endormis en songeant à leur foin, à rentrer, à leurs affaires, à leurs disputes. Et la mort est là. Elle s'apprête quelque part au pied de ces hautes crêtes, vaguement profilées sur le ciel. Déjà, quelle lumière morne et implacable elle projette sur la vie. Sous ce jour, dans cette perspective véritable qui se rétablit, comme les choses s'éclairent autrement, comme les offenses apparaissent plus légères, et la souffrance des autres, avec quelle acuité elle réclame ses droits. La figure de Duncan s'encadre dans ma pensée. La figure de Duncan ne me quitte plus, et lorsque je me suis mis au lit, tout près de glisser au sommeil, je l'ai vu se courber sur mon chevet. Je rêve. Et voici que le regard de Duncan fait lever les souvenirs endormis. Je revois l'image à qui j'interdisais d'apparaître. Les yeux gris, veloutés, si pareils aux yeux de Philippe, caressants et volontaires. Ces yeux qui semblaient offrir toute la vérité d'un cœur et qui m'ont trompé. Ils se sont posés sur moi avec une douceur suppliante. Ils laissent glisser des larmes lourdes qui tremblent au bout des cils et s'écoule lentement. J'entends une voix chuchotante qui implore et s'accuse et promet. Elle demande une humble place dans l'ombre auprès de l'enfant. Pendant toute la nuit, j'écoutais cette voix et j'entendis, mêlée à ses paroles, d'autres paroles confuses. Était-ce Duncan qui les prononçait? Mieux vaudrait pardonner. Ce fut comme si le passé surgissait du fond de ma conscience, rejetant les épaisseurs d'indifférence où j'avais cru l'ensevelir. Le passé, palpitant de regret, de pitié, s'insurgeait contre ma volonté de punir. La commotion fut telle que je me dressais sur mon séant. L'ancienne tendresse fluait comme une source que le printemps libère, et je l'accueillais avec un tressaillement de joie. Elle n'était pas morte, elle dormait. Pardonner, au lieu des dures négociations que je préparais, apporter le pardon. Et tout mon être acquiesçait. De l'orgueil, il n'était plus question. Pardonner, une paix sans égale me visitait. Pardonner, consoler, aimer encore. Quelle plénitude soudaine, quel état de grâce inattendu! Le bonheur est donc si simple, et nous le refoulons âprement. Je voudrais serrer la vie entre mes bras, et la vie prend la forme de celle que j'avais cru bannir de moi. » J'ai prononcé à voix haute, « Philippe aura sa maman. » Et dans ce sentiment d'un renouveau merveilleux, je me suis endormie.